Jean Bosco, Douiman. Bonsoir, bienvenue à ce journal, la dernière édition de ce 10 novembre 2016. En voici tout de suite les grandes articulations. Un faux monnayeur a été appréhendé ce mercredi par la police. La valeur des faux billets qu'il allait échanger à la Banque centrale, la BRB, n'a pas été précisée. Reportage dès le début de ce journal. La commission en charge de l'éducation à l'Assemblée nationale confirme le manque d'enseignants et de matériel dans les écoles. Également confirmation faite des effectifs pléthoriques d'élèves dans les classes. Ils ont rendu leur rapport ce jeudi après une tournée à travers tout le pays. Et la spécialisation en médecine se fera désormais au Burundi. Ainsi en a décidé le gouvernement. L'annonce a été faite hier par la ministre de la Santé qui rencontrait les médecins spécialistes du Burundi, à qui elle a expliqué que la mesure vise à décourager la fuite de ces cerveaux après leurs études à l'étranger. Et puis, plus de 300 caféiculteurs de la commune Mutambu attendent d'être payés par l'usine à café de Rwanda depuis le mois d'avril. Et puis, la commune de Ngozi a fermé les portes de l'antenne de la mutuelle de la fonction publique dans cette entité pour défaut de paiement de l'impôt locatif d'un montant de plus d'1,5 million de francs burundais. Ça a été pour quelques 3 heures. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonsoir, la foi en Christ, telle est la mission principale de la radio Destiny FM, inaugurée officiellement ce jeudi dans les enceintes de l'église El Shaddai. C'était lors de son premier anniversaire d'émission. La directrice de cette radio, Alice Muchowinhore, a dit qu'à côté de la parole de Dieu, cette radio sert aussi les jeunes, les enfants, les femmes à travers ses émissions. Le ministre de la Communication, Nestor Bangomukunzi, a quant à lui salué l'initiative du représentant légal du ministère El Shaddai pour la mise en œuvre de ce projet. Car, a-t-il dit, c'est un coup de main pour le gouvernement. La radio Destiny FM émet depuis Bujumbura et ses environs et prochainement il va émettre sur tout le territoire national, a-t-on promis. Cette radio est ni commerciale ni politique. Je venais de vous le dire, de faux billets dont la valeur n'a pas encore été précisée ont été saisis par la police ce mercredi. Le détenteur de ces billets en dollars et en francs burundais explique qu'il se rendait à la BRB, la banque centrale, pour les échanger contre de nouveaux billets et affirme les avoir retirés d'une banque de la place. Ce faux monnayeur dit que quelqu'un lui avait promis de les convertir en dollars. La police demande aux institutions financières de rester vigilantes face aux billets versés par leurs clients. Placide Niyomongere. Il s'appelle Antoine Niyungeko, ex-employé de la finance et actuel directeur d'un cabinet d'audit. Il a été surpris vers 11h de ce mercredi à la BRB où il tentait d'échanger ce qu'il appelait vieux billet de 10 000 francs bou et d'Elias dur en dollars, mais dit qu'il ne savait pas qu'il s'agissait de faux billets. J'avais la préoccupation de me présenter au guichet pour demander si l'on pouvait échanger les vieux billets contre de nouveaux, comme je sais que BRB le fait régulièrement. Je croyais détenir des billets en bonne forme et je me suis rencontré que j'ai été leurré. L'affaire a tourné en vinaigre. Là où il est au service national de renseignement, Antoine Niyungeko explique qu'il a retiré ses billets d'une banque quand il a vu celui qu'il appelle technicien d'origine camerounaise qui lui avait dit qu'il est capable de convertir les frambous en billets verts et reconnaît que 2 billets de test ont été admis dans une institution financière. Il y a un technicien que j'ai rencontré il y a quelques temps. Il est venu me disant qu'il pouvait faire ça. Nous avons fait un test ensemble. Il a sorti 2 billets qui ont été acceptés par la banque. Et moi, je croyais que donc le procédé était très bon, que l'on a pu continuer. Il m'a demandé d'aller chercher une bagatelle de 20 millions. Je suis allé les chercher, j'en avais sur mon compte. Et puis, je ne sais pas par quel procédé il a pu volatiliser mes bons billets en les remplaçant par ces faux billets. Ce mercredi même, la police dit avoir mené une fouille perquisition à son domicile à Kigobe. En plus d'autres faux billets, un kit de matériel a été saisi, comme l'indique Moïse Nkurunziza, le porte-parole adjoint de la police. Une fouille perquisition a été opérée en son domicile où pas mal d'objets ont été saisis, dont encore les faux billets de francs burundais et des dollars américains, mais aussi 3 ordinateurs, une imprimante, des chéquiers pour la banque BCB, des chéquiers pour la banque BBCI, un chéquier pour EcoBank et un autre pour KSB. Et ce qui est encore nouveau pour le moment, ça a été la toute première fois qu'un fausseur se présente au guichet d'une banque pour présenter des faux billets. Moïse Nkurunziza appelle alors toutes les institutions financières et la population burundaise en particulier à rester vigilante face aux billets en circulation. Merci Placide. Après avoir été auditionné par la police de Karoussi, les 75 personnes qui avaient été interceptées ce mercredi en province de Gitega et conduites au chef-lieu de la province de Karoussi où ils ont passé la nuit ont été relâchées cet après-midi d'après notre correspondant sur place. Ils avaient dit qu'ils se rendaient à Makamba en Tanzanie pour y chercher du travail. Précisons qu'ils sont en majorité des hommes dont l'âge est compris entre 18 et 30 ans et voyager à bord de 5 minibus. Dans la suite de ce journal, je vous le disais, la formation des médecins spécialistes va dorénavant se faire au pays. Cette annonce a été faite par la ministre de la Santé ce mardi, après une réunion avec des médecins spécialistes et c'était sur l'amélioration de la qualité des soins de la population. L'une des mobiles de cette décision a été de décourager les étudiants qui partent à l'étranger pour faire des spécialisations et qui ne rentrent plus au pays. Suivez la ministre Josiane Nijimbele. Nous venons de nous convenir avec les médecins spécialistes que désormais la formation des médecins spécialistes va se faire au Burundi, dans différents hôpitaux à Bujumbura comme à l'intérieur du pays, ce qui va permettre le renforcement des capacités des médecins, non seulement des médecins généralistes, non seulement ceux qui sont à Bujumbura, mais aussi ceux qui sont à l'intérieur du pays. Et cela, bien sûr, nécessite des moyens financiers, que nous allons chercher auprès des partenaires qui appuient le gouvernement du Burundi à travers le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida. C'est important parce que la plupart des médecins spécialistes qui étaient formés à l'étranger sont restés là-bas et ne retournaient pas, ce qui fait qu'au niveau du gouvernement, c'est une perte. Le fait qu'on va les former au pays, nous pensons que quand même, ils vont y rester et prester pour la population. Nous avons également vu qu'au niveau des prestations, il y a des activités qui peuvent améliorer les soins au niveau des hôpitaux en passant par ces spécialistes qui sont des formateurs, des médecins, mais aussi des infirmiers, qu'ils peuvent améliorer la santé de la population en passant par des actes qui ne nécessitent pas nécessairement des fonds. Voilà, c'était la ministre en charge de la santé publique et de la lutte contre le sida, Josiane Nijimbele. Je vous le disais, le manque d'enseignants et de matériel didactique, des effectifs pléthoriques et d'élèves en classe sont quelques défis constatés par la commission chargée de l'éducation à l'Assemblée nationale lors des visites effectuées sur terrain. Lors de la présentation de son rapport, il a été soulevé la question en rapport avec la proposition de recrutement des enseignants par les communes. Les uns disent que la proposition est impossible, tandis que d'autres pensent que la mesure pourrait être mise en application une fois que le pays aura des fonds suffisants pour faciliter la décentralisation de la gestion des communes. Francine Léokougaï. Cette commission chargée des questions de l'éducation à l'Assemblée nationale a visité toutes les provinces du pays. Elle a indiqué dans son rapport présenté ce jeudi qu'en général, l'année scolaire en cours a bien commencé, sauf dans les écoles techniques ayant commencé un peu tardivement. Mais des particularités s'observent à certaines écoles qui connaissent des problèmes liés au manque de matériel didactique et suffisant. 4 élèves ou même plus partagent le même livre ou un seul banc. Il y a aussi manque d'enseignants dans certains coins loin des centres urbains, malgré le redéploiement où les écoles doivent faire recours aux vacataires dont les salaires restent toujours problématiques. Lors de la présentation de ce rapport, a été soulevée également la question concernant le recrutement des enseignants par les communes qui, à leur tour, vont se charger de payer les salaires. Pour certains, cette mesure ne pourrait pas s'appliquer du tout au moment où les fonctionnaires de l'État sont recrutés et payés par le ministère de la fonction publique. Une autre explication est que les communes ne disposaient pas assez de moyens pour y arriver. Mais d'autres disent que dans l'avenir, la mesure pourrait être mise en application si le gouvernement dispose d'assez de fonds et d'une meilleure organisation dans la décentralisation des communes. À ce sujet, cette commission en charge de l'éducation à l'Assemblée nationale trouve qu'il est encore tôt pour parler de recrutement et paiement des enseignants par les communes. À toutes ces questions, l'Assemblée nationale se prépare à inviter les ministres de l'Éducation et celui ayant dans ses attributions l'enseignement technique pour plus de clarification. Merci Francine. Des cas de vol du matériel scolaire sont dénoncés au centre de formation professionnelle de Kigobe, en mairie de Bujumbura. Ce sont certains élèves qui dénoncent ça, qui disent que la direction garde des zones d'ombre sur cette affaire. Cyril Wizimana, directeur de cette école, nie ces allégations portées contre lui et fait savoir que tout le matériel est bien gardé. Alida Ndaikeza. Ces cas de vol concernent le matériel scolaire de son centre, comme cela a été indiqué par les élèves. Ils affirment que le directeur est la personne qui peut en répondre. Les matériels qui n'ont pas été retrouvés sont nombreux. Dans la filière mécanique automobile que je fréquente, nous avons entendu que deux moteurs de marque DT se sont volatilisés. Nous avons la liste de tous les matériels volés dans notre filière. Parfois, le directeur incrimine certains formateurs à cause des mésententes entre lui et ces derniers, ce qui a été à l'origine du licenciement de certains formateurs. Et d'autres fois, il accuse les élèves. Dans la construction métallique, une mélèze a été volée et ce sont les élèves qui sont entrés dans la payer. Cyril Widimana, directeur de cette école, rejette ces accusations et il fait savoir qu'il y a eu seulement des réparations pour les machines et que tout le matériel est bien gardé. Il n'y a pas de vol, c'était l'année passée. Il y avait un déplacement de matériel vers notre garage de la mission, mais ces matériels sont réhabilités tout en totalité. Il y a des informations qui disent qu'il y a des élèves ou des formateurs qui sont accusés de ce vol. Il y a un certain professeur de mécanique automobile, un cas de vol qui s'est passé. Lui, on a opéré par la loi régissant les fonctionnaires, et là on les a arrêtés. Il y a aussi l'auteur Tiaïan, lui aussi, des mesures administratives qui vont se plaindre. Depuis ce mardi, les élèves ont suspendu les cours, la direction a annulé les inscriptions à ce centre et a invité les élèves à se faire inscrire à partir du 14 jusqu'au 16 novembre. Alida Ndaikeza, à propos de ces cas de vol signalés au centre de formation professionnelle de Kigobe, le directeur général de l'enseignement des métiers et de la formation professionnelle, Pascal Nshimirimana, a dit qu'il y aura une enquête et que si jamais il y a des coupables, ils seront sanctionnés conformément à la loi. Et sachez que certains élèves de ce centre de formation ont été arrêtés ce matin par la police. Le directeur venait de renvoyer ceux qui avaient refusé d'entrer en classe alors qu'ils ont pris leur réinscription. Suivez ce témoignage d'un élève traduit par Didier Nyonzima. Même si le directeur a décidé d'annuler nos inscriptions, nous avons dit que cela ne nous concernait pas parce que nous sommes en train de revendiquer nos droits. S'il ne peut pas régler les problèmes concernant nos études, il pourrait solliciter de l'aide au lieu de décider précipitamment de nous renvoyer. Comme c'était le cas hier, on a trouvé les enceintes de notre école fermées. Seulement aujourd'hui, il y avait la présence des policiers qui se sont mis à nous chasser. Nous n'avons pas pu entrer à l'intérieur parce que les policiers avaient barricadé l'entrée. Certains d'entre nous ont été même arrêtés. Jusqu'à maintenant, nous savons que notre doyen a été arrêté. Et ils sont en train de tout faire pour arrêter notre doyen. Le directeur dit avoir été mis au courant de ces arrestations et ajoute que la police était là pour protéger ce centre contre des gens mal intentionnés. L'ONG Cordaid a débuté officiellement un projet de partenariat en vue d'aider dans trois secteurs, à savoir l'autonomisation et les opportunités des jeunes pour l'emploi, l'accès à la justice pour tous, ainsi que l'implication des femmes dans les processus de paix et de sécurité au Burundi. Ce programme de 5 ans, appuyé par le Royaume des Pays-Bas, va coûter 4 800 000 euros. L'ONG Cordaid ne donne pas de chiffres sur la situation du moment pour les trois secteurs. Mais l'organisation estime pouvoir apporter une contribution positive en collaboration avec les groupes concernés. Suivez plutôt Zahir Huguemera, c'est le directeur pays de Cordaid au Burundi. En tout cas au Burundi, l'un des axes principaux, c'est justement cette participation des femmes, parce qu'il nous semble que leurs capacités ne sont peut-être pas assez reconnues et qu'il faudrait aider qu'elles fassent plus partie du processus, non seulement en matière de paix et de sécurité, mais à tous les niveaux. Idem pour les jeunes, d'après les échanges que nous avons eus, et les questions ont bien montré que l'emploi des jeunes est l'un des soucis majeurs de la société burundaise. Ce projet vise modestement à sensibiliser les acteurs principaux, c'est-à-dire les acteurs burundais, sur cette question de l'emploi des jeunes. Et le troisième, pareil, accès à la justice. Il nous semble que là aussi, cela fait partie des priorités. Il y a beaucoup de catégories, par exemple. Il y a la question rurale. Donc, ce projet vise à, non pas à convaincre, parce que je pense que les autorités et les associations sont très bien convaincues, mais réfléchir ensemble à comment faire pour améliorer la situation. On espère que les acteurs différents, en commençant par les autorités du pays, qu'ils aient les outils nécessaires, que tout le monde soit convaincu que les femmes doivent avoir une plus grande place au niveau à tous les niveaux de la société. D'abord, nous connaîtrons, il y aura un travail de recherche. Déjà, il y aura un état des lieux. Pour améliorer la situation, il faut savoir de quoi on part. Même si, à ce niveau, on a les chiffres précis sur l'emploi des jeunes, ceux qui sont sans emploi, à quel niveau les femmes participent, où sont les plus grands manquements au niveau de la justice, est-ce que c'est les zones rurales, est-ce qu'il faut faire plus attention aux personnes handicapées, aux personnes malades, aux enfants, etc. Déjà, ça sera un progrès. Le but, c'est qu'au final, les choses soient améliorées dans la société burundaise. Zahir Hugues Mera, le directeur pays de Cordaid au Burundi, qui évoquait les opportunités des jeunes pour l'emploi. Eh bien, aujourd'hui, c'était la journée internationale des stagiaires. Et l'Agence burundaise pour l'emploi des jeunes, qui aide les jeunes diplômés à acquérir de l'expérience professionnelle sur le marché du travail à travers des stages de premier emploi, a déjà encadré 1176 jeunes. 60% d'entre eux ont eu des emplois. L'adjoint de l'administrateur général de cette agence dit cela à cette occasion donc de la journée internationale des stagiaires. Aujourd'hui, Gustave Niyonguru a dit que certains services n'octroient pas facilement des stages à ces jeunes diplômés, ce qui est un défi pour eux. Isanganiro, la radio de l'avenir. Plus de 300 caféiculteurs de la commune Mutambu, nous sommes dans la province de Bujumbura, disent n'avoir pas été payés sur le café collecté au mois d'avril par l'usine à café de Rubanda dans cette même commune de Mutambu. Ces caféiculteurs indiquent que le patron de cette usine leur a donné plusieurs rendez-vous, mais en vain. Le conseiller technique, administratif et social de l'administrateur communal de Mutambu fait savoir que l'administration est au courant de la situation. Cette autorité souligne que le directeur de cette usine a promis que cette question sera vidée d'ici quelques jours. Évariste Nzikobanyanga les a rencontrés à Mutambu. Voici son reportage. Ces caféiculteurs de Mutambu indiquent avoir attendu leur argent depuis le mois de juillet, le premier rendez-vous leur fixé par le patron de l'usine à café de Rwanda, mais en vain. Certains de ces caféiculteurs font savoir qu'ils n'ont pas pu acheter le matériel scolaire pour leurs enfants suite à ce retard de paiement. Nous avons demandé où est allé notre argent. Notre question est restée sans réponse. On nous a fixé plusieurs rendez-vous, mais en vain. Il nous a été difficile d'envoyer nos enfants à l'école. J'ai 3 enfants qui sont à l'école. J'ai des problèmes car je devrais utiliser cet argent. Cet argent allait me servir beaucoup lors de la rentrée scolaire. Pour cette année, on s'est rabattu sur nos lopins de terre pour que les enfants aillent à l'école. Un autre problème évoqué par ces caféiculteurs est qu'ils devraient acheter de la paille pour leur caféier, mais que le temps passe pour le paillage. Ces caféiculteurs demandent à l'administrateur communal de Mutambu d'intervenir dans ce dossier, car c'est lui qui les a mobilisés pour acheminer leur café cerise vers l'usine de Rwanda, ajoute-t-il. L'administrateur doit nous aider dans ce dossier. C'est bien lui qui nous a mobilisés pour que nous puissions acheminer nos cafés vers les usines. Nous avons répondu à cet appel. Auparavant, il était un beau payeur. Les choses n'ont pas marché pour cette année en cours. Le conseil technique, administratif et social de l'administrateur communal de Mutambu dit être au courant de cette situation. Salvatore Sabdimana tranquillise tout en ajoutant que le directeur de RISCA a promis que cette question va trouver l'issue favorable d'ici quelques jours. La question est connue depuis longtemps, mais on s'est entretenu avec ce Gérard Ninheretse et nous a assuré qu'il va rentrer rembourser cette somme bientôt, malgré le problème qu'il a rencontré au cours de cette année. Donc vous tranquillisez cette population? Oui, chaque fois que nous tenons des réunions, que ce soit hebdomadaires ou au niveau des collines, nous leur tranquillisons, leur disant que la somme va être payée bientôt, et surtout que quelquefois nous téléphonons et il assure qu'il va régulariser bientôt. Gérard Nitereka, le patron de l'usine de Rwanda, n'a pas voulu s'exprimer à ce sujet, mais lui aussi promet que cette question sera prochainement vidée. Évariste Nzikobanyanga, deux nouvelles brèves pour boucler ce journal. Les activités de différents services à l'antenne de la Mutuelle de la Fonction Publique en Ngozi ont été perturbées pendant plus de 3 heures ce jeudi. À l'origine, la fermeture de l'entrée principale par la commune Ngozi suite aux arriérés de paiement d'impôts locatifs estimés à plus d'1,5 million de francs burundais. Et le test de recrutement des candidats sous-officiers et officiers à la police a eu lieu ce jeudi à Muyinga. Aucun candidat de l'ethnie batwa ne s'est fait inscrire pour ces catégories exigeant un certain niveau d'études. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Eric Ouimana pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco Ndouimana. Nous vous souhaitons de passer une très bonne soirée. Au revoir.